100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après D-Fool, Monsieur Six. Et là, Sikou MC alias Sikou MC. Ouais. Alias Sikou MC pour les intimes. Pour les intimes. Donc c'est quoi ce soir? C'est plutôt Six, plutôt Sikou MC? Ce soir, c'est Six, c'est Sikou MC. Ça bouge pas. Ça va? Ça va, très bien. Et toi, frère? Eh ben écoute, bienvenue dans ta nocturne. Merci. Tu vas prendre le contrôle. Aïe. On va revenir sur tes morceaux que tu as fait, parce que mine de rien, ça fait combien de temps? Tu as fait le calcul ou pas? Combien de temps? 97. 97, la première ça fois que t'as posé? Ouais, ça va faire 20 ans. 20 piges. Mais attends, t'as quel âge? 33. C'est pas possible. Je suis une machine, hein. Quel est ton élixir? Qu'est-ce qui te rend comme ça? Que tu ne vieillis pas? C'est le Mali. Ah, tu crois? Ouais. Eh ben, une dédicace d'ailleurs au Mali, on en profite. Eh ouais. La nocturne, donc on prend le contrôle parce qu'il y a un projet qui arrive, Six, quand même. C'est ça, il y a un gros projet qui arrive qui s'appelle Avertissement, qui est déjà en précommande partout sur toutes les plateformes. C'est un 8 titres et c'est pour avertir de l'album qui va faire des dégâts. Dans un premier temps, le 8 titres. Ouais. Est-ce qu'on peut le précommander, par exemple, ce soir, s'il y a des sons qui nous plaisent, est-ce que... On va sur iTunes, sur Google Play, etc. On tape Six, Avertissement. Et bim! Et bim! Ouais, ouais. On est averti dès qu'il sort. Direct. C'est quoi? C'est la semaine prochaine, quand même, la sortie, hein? Il sort le 13. Le 13 mai dans les bacs. Pour ceux qui vont le précommander, il arrive jeudi minuit. Ouais. Sur le téléphone. Vous recevrez un petit message en disant: voilà, votre achat est arrivé. C'est ça. Achat à prix quand même modique, non? Pour un 8. Très modique, très modique. N'hésitez pas, on va revenir justement sur ton parcours, ta carrière et le mieux pour attaquer. Tu es venu avec un DJ? Ouais, je suis venu avec mon DJ Shine. Shine. Qui est là avec nous. Qui n'est plus à présenter. On commence par quoi? Par des morceaux? On va commencer par... C'est quoi, plutôt nouveauté plutôt... On va commencer chaudement par le premier extrait qui s'appelle Sa Méchanceté, qu'on a balancé il y a quelques semaines. C'est le premier extrait. On va le faire en live. Ah oui, t'attaques en live d'entrée de jeu. En live d'entrée de jeu. Allez, coup d'envoi de cette nocturne. Six au micro, c'est parti. SG Producteur. Gouache Music. Sa Méchanceté. C'est quoi MC? Wesh Vitry. Ça fait. Te fie pas aux apparences. Les plus dangereux sont les plus calmes. Manque de respect, ils te crossent. Tu leur dois des comptes, ils te calment. Je marche avec des gens qui me ressemblent. Y'a des couilles et des bouteilles sur la table. Rien de passionnel quand ça tire. Opérationnel quand ça se tape. On a balancé nos cartables. Mais toujours pas de regrets. Je veux rien savoir des études quand les prélèvements de la daronne finissent en rejet. Aussi réglementaire que tu sois, l'État va te niquer ta race. Prenne des risques, Bonnie et Clyde. Six et Boubou pour faire de la caillasse. Fais-moi voir le chromie. Fais-moi voir le chromie. Tu veux me mettre une balle dans la tête? Bluff pas, fais-moi voir le brolite. Mes lyrics s'adressent à la street, pas à ton game de comique. Hors sujet, hors de ma vie, hors de ma vue, hors de ma catégorie. J'ose à peine le ton, ils ont l'impression que c'est la révolution. J'ai des tonnes de problèmes, apparemment Gims on a les solutions. Disparaître de ma clique, c'était suspect comme ma puce. On m'a demandé de m'ouvrir, je me suis fermé, c'est fois plus. Ils se torchent avec ton talent, jusqu'à ce que tu prennes de la bulle. N'ont rien à foutre de nos vies, ne veulent que l'oseille, j'appelle ça des bulles. J'prends mes distances, bâtard, t'arrêtes pas de jacter dans le dos. Plus de remix qu'un média, qu'un DJ, t'es dans le faux. Sans forcer, j'suis trop fort. Tu peux pas revenir au score. Depuis que je t'ai fait croquer, t'es devenu un gros porc. Enfonce-toi dans la tristesse, y'a que la vérité qui blesse. Je vais te faire du sale si t'essaies de marcher sur mon business. Continue par les sur WAM. J'paierai moins de promos, mieux servi que par moi-même. Et ouais, j'suis très bien solo. Ouais, j'suis trop bien solo. Au moins, j'me fais juger illico. Bourré de principes et de talents, quel fils de me traite de charclos. M6, en direct de Skyrock, avertissement, des gens précommandent partout la famille. SG Producteur, Gouache Music, DJ Shine au platine. Sa Méchanceté, le clip il est partout sur le net, sur tous les vrais sites de rap français et sur ma chaîne YouTube Sikou MC officiel. Tu sais déjà. Essaye de rapper sur cette prod, mon pote. Yeah. Mauvais. Mauvais. DJ Shine. Big up à Stéphane Hype. Mauvais. Brrr. Mauvais garçon, qui se laisse pas marcher sur les pieds ni mettre la pression. Mauvais garçon, on n'est pas des voyous, juste des mauvais garçons. Mauvais garçon, les gars par Rémi Papillon, ni de hanche, James Cameron pour le clip. Sur YouTube la famille. Mauvais garçon, respectueux comme jamais. Si je démarre, c'est que t'abuses. Pour un tas, mais la but, je me chiffonne pas, je t'allume. Si t'es dans mon cœur, je suis prêt à me faire suriner. De KO en deux coups, mandat siréné. Instant produit. J'ai rebusté, ruine à Marbella. La femme, il mange, imitation, Nutella. Je vais dans le futur, chercher l'almanach. Chiffre gagnant, vilain pour la maman. Partout dans les rues de Paname, fermez vos gueules. J'suis dans le club, pourtant les videurs ont grillé mon gueule. Épargnez-moi les dicks, toi, envoyez-moi les bifs, toi. Tous les chemins qu'est à Rome, tous les GPS mènent au crypto. Bang! Dites-nous à Isser, merci beaucoup. Dites-nous au traiteur que j'ai l'appétit de Sangoku. Yeah! J'ai pas besoin de prendre un rail pour faire un truc de fou. J'ai pas besoin de me faire tatouer. Je me souviens de tout. Mérite des disques d'or. Ok, me fais pas la leçon. Bang! Sous le capot des centaines de canassons. Yeah! Nique sa mère, le succès destiné. Je peux plus revenir en arrière, j'ai trop investi. C'est pas un voyou, juste un mauvais garçon. Mauvais garçon. Qui se laisse pas marcher sur les pieds ni mettre la pression. Mauvais garçon. Vitry. On n'est pas des voyous, juste des mauvais garçons. Roger Derry, Robespierre, Banzai, Bourgogne. Les combattants. On se laissera pas manquer de respect. Les mecs de la gare. Lucien. Mauvais garçon. Capra. La Vanoise. Babus. Plus quoi? Si ça va prendre. Ok. On enchaîne DJ Shine au platine. Philippe V. DJ Shine. Ok. Lucas Green. À la prod, Rush Beat, à la prod. Ça vient de Vitry. Wesh Rizwan. Wesh Réan, Noaman. Ça fait. Tu n'as pas autant d'oseille. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Tu n'as pas autant d'oseille. Oh le mytho. Wesh, arrête de forcer. Oh la mytho. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Philippe Vide. Wesh les mythos. Check. Il paraît que t'es un footballeur. Personne ne connaît ton club. T'offres des verres à toute la terre. Mais t'as pas mis un euro dans ce magnum. C'est quoi ton délire de taré? Galocher 5 meufs la même soirée. Grâce à ton bluff et ton gamos. Enfin celui de ton assos. Tu t'inventes même un quartier chaud. Incroyable comment tu mens, c'est trop. Elle fait ça dans une tête de mort. Tout est faux. Mais quel est ton plus gros défaut? Tu n'as pas autant d'oseille. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Écoute la voix de Karine. Wesh, arrête de forcer. Écoute. Tu n'as pas autant d'oseille. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Que dalle. Arrête de forcer. Yeah. Philippe, vite. Philippe, vite. Exprès. Prochain extrait du projet. Philippe, vite. Écoute. Il paraît que tu vis à Dubaï. Ah bon? Non, c'était juste un séjour. Tu fais croire que t'as v'là la maille. Mais tu michetonnes pour ton billet retour. C'est quoi ton délire de bouffonne? Comment tu parles à ta daronne? Tu fais que dalle pour ta famille. T'as plus d'amour pour ton iPhone. Sur Instagram, tu fais le show. Comment t'es maquillé, c'est trop. Ton sac Louis Vuitton est un faux. Mais quel est ton plus gros défaut? Tu n'as pas autant d'oseille. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Wesh, arrête de forcer. Ça. Tous les DJ qui jouent le jeu et qui vont jouer le jeu. Babs Jordan, High Moon, Leska, DJ Shine au platine. Philippe, vide ma gueule. Yeah. C'est la nocturne, 100% rap français avec Six au contrôle, ça commence fort hein. Ça commence fort hein. Ça commence avec du live et un extrait aussi du projet hein, qui sera dans les bacs dans une semaine. C'est ça, vendredi prochain. Vendredi prochain, à pas louper. Six, retrace rapidement, puisqu'on le disait, ça fait 20 ans que tu rappes maintenant, le parcours, donc t'es un mec du 9-4. C'est ça, Vitry. Et tu fais tout toi-même. Est-ce que tu continues encore à faire tout toi-même ou tu as délégué un petit peu? Bah tu vois, on vient d'écouter Philippe Vide. Et c'est une prod de deux jeunes de mon quartier, Lucas Green et Rage Beat. Donc non, je laisse un peu la place. Et le titre d'avant aussi, Sa Méchanceté, c'est SG Producer. Voilà, donc je laisse la place. Mais parce qu'il faut aussi rappeler que t'es auteur, compositeur, interprète. Enfin, tu sais. Exactement. Ouais, tu sais réalisateur. Réalisateur. Carrément, des fois, c'est moi qui filme pour les clips. Non, c'est vrai que t'es assez complet là-dessus. Ouais, j'essaye. Toi, qu'est-ce qui t'a mis dans la musique? Qu'est-ce qui t'a à un moment donné envie de rapper? Alors, tu viens évidemment du 9-4 où il y a quand même une scène. C'est, ah ouais, imposante. C'est incroyable la scène du 9-4. Moi, franchement, c'est la seule personne qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier, c'est mon grand frère TMAD, qui rappait à l'époque bien avant moi. Et qui écoutait d'ailleurs tous les anciens, les expressions directes, Timide et sans complexe, voilà l'équipe de Domastar, Tonton Bougetop, David aussi à l'époque. Tonton David, ouais. Les Little. Little, ouais. Pff, oh là là. Avec Sulibi. Voilà, avec Sulibi Wax, big up à lui. Et voilà, je suis facilement tombé dans la marmite. T'es tombé dans la marmite direct. Voilà. Et là, ça continue. Et ça continue. Donc le projet arrive, c'est d'abord dans un premier temps un EP, 8 morceaux. Qu'on peut découvrir. Dis-nous un mot sur le morceau qu'on vient d'écouter d'ailleurs à l'instant, Karine. Philippe Vide, ouais, avec Karine en vocaux additionnels. Gros big up à elle. Voilà, hein, les frangins, ils m'ont envoyé la prod. J'ai pété les plombs dessus. Je suis rentré en studio avec, j'écris qu'en studio. J'ai trouvé un délire sur les gens que je croise dans des soirées, qui font les mythos, qui font les fouteux. Et voilà quoi. Donc c'était facile en vrai. Et bah c'est ambiance nocturne avec Six au contrôle. On repart sur une nouvelle session. On part sur quoi alors? Ouais, Six, on va repartir sur Détroit. Détroit, c'est un titre totalement sur la prison, sur mon expérience. Parce que malheureusement tu as dû découvrir. Voilà, c'est des choses, des moments dans une vie. C'était pas moi, j'avais rien fait. Voilà, ils m'ont attrapé, ils m'ont jeté en prison et voilà. À un moment dans une vie, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, c'est pas pour ça que ça fait toi un condamné à vie, c'est pas exactement pour ça. Exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire parce que voilà, moi, c'est déjà le terme réinsertion, j'aime pas ça. Ouais, on n'aime pas. Tu vois, le côté réinsertion, non, voilà, il se trouve que dans la vie, parfois, on peut faire des conneries. Bon, voilà, bah, on paye pour ces conneries. Exactement. T'as payé pour ces conneries, maintenant, passons à autre chose. J'ai payé, grosse dédicace à toutes les maisons d'arrêt de France, que ce soit la MAF, la maison d'arrêt des hommes, tous les gens qui sont en prison, qui sont là pour des vraies choses, comme on dit. Voilà. Et bon, on est reparti maintenant. Six au contrôle de la nocturne. Pour te suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, pour envoyer des messages, c'est Sikou MC, Facebook officiel. Sikou MC, la page. Six MCS sur tous les autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter. Et voilà. Allez, c'est reparti. Yeah, DJ Shine au platine. DJ Shine. Fren Florine en terre. Ouais, je vince. D3. Ouais, je fais un 19e, 20e, 9-4. Tous les frérots enfermés en province. Yeah. Je tourne avec 2-3 mecs de Vitry. Ville juif champigny, Châtenay mal abri, Paris Bobigny. D3, la tête pleine de soucis, j'ai pas maigri. Les soi-disant frérots ne m'ont pas écrit. Profond, dis-leur de s'enfoncer leur chicha. Quand le succès les fumera, ça me fera ni chaud ni froid. J'enferme et pas quoi, faut les CNN. J'écris sur ma feuille de refus TMN. À part mes pieds points, rien à sur ma sécu. Un jour c'est la haisse, un autre mille sur mon pécule. J'assume ma peine, la bouche cousue à moins de 5 mois. L'absent m'a dit t'as tout vu. Intéressé. Un délit là en toutes circonstances. J'ai la mort de personne sur la conscience. Exprès, Créteil, cours d'appel banal. J'entends des sentences de bâtard, bro, c'est banal. Dis la vérité comme ton ADN. Vis nos putains de vie, tu vas croire que c'est pas réel. Le baveux en caisse, des milliers de descentes. C'est pas le GLD qui décide, c'est le tout puissant. Punch. Je marche qu'avec des gens qui me ressemblent. Relève tes coups durs, pas de ceux qui s'étranglent. Patience, courage, un charme, on veut rouler en fantôme, plus on voit au palu. Indomptable sans être camère, intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en tenir le goût. Indomptable sans être camère, intouchable. Neuf trois bandits, tous les mecs du carré. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en tenir le goût. Entre les bonhommes et les pédales, les poucaves qui disent au chef où tu caches ton pénal. On se fait têche de la viande au sport. Coupure de courant pendant 2 heures avant le ton. Peste morale à chaque motif. Mauvaise nouvelle à chaque notif. Tes gosses poussent comme ta barbe et tes tifs. On s'imagine loin des barreaux avec un gros pif. T'as où les? Tu prends des risques débiles. Gros. 20 fois que tu passes au prétoire pour des bigots. La preuve qu'on n'est pas tous égaux. Certains écartent et font tomber leur bout de pédo. Ailleurs ils jouent à chat tellement les promenades sont immenses. S'il y a pas de chat, que des rats qui dansent. On est pas un Anthony. C'est un fait. La main lance l'avant claquette. Tellement c'est un fait. Indomptable sans être camé. Tony. Intouchable comme dans les bras de ma mère. Elles sont deux, deux, deux. Ces preuves, y'a pas de galère. Ben Ali. Il en faut bien plus pour m'en tenir le goût. Indomptable sans être camé. Intouchable comme dans les bras de ma mère. Tiens. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en tenir le goût. RLS. Croisant les cicatrices sur mes bras, charclé par les punaises, taché de sang sur mes draps. Je rappelle des bus. Trois touches par semaine. Tu veux la médicale, mets ta quenelle. Surveillant. Le mitard, le gratter sous Ricard. Les jours à intervention au moins de Ricard. Et puisqu'on est traité comme des sauvages, surveillant, prends ma bite pour faire les sondages. Inspiration est importante, comme l'espoir de la victime d'une mort lente. Homicide, braco, go fast, coke shit, récidive, multirécidive, peine à deux chiffres. Tony, t'apprends que ta femme te trompe. Puis y'a ton petit frère qui tombe. Non, tu sais que tes parents sont malades. Et un soir, on t'annonce que l'un d'eux succombe. Oui, allô. Allô, frère. Ok, moi quoi? Non, ça va pas là. Dédicace à Moussa Traoré. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Comment ça, une mauvaise nouvelle? C'est le daron, frère. Les frérots qui font des 10, 12, 13 ans. Écoute, sans jamais se plaindre. Calme-toi. Comment ça se fait? Je t'ai dit. C'est pas très grand. Sauvez un ta mère. Indomptable sans être camé. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en tenir le goût. Indomptable sans être jamais. Big up à l'unis, Zonzo, Marus. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût amer. Marabout musique à la prod. C-Boy. Toutes les maisons d'arrêt, frérot. C'est ça qui se passe. S-I-X. 1. Avertissement. Hier. 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est ça ma gueule. Vitry. Ouais Spencer. DJ Shine. Au platine ma gueule. RLF, MAO2S. On n'est jamais parti. Ok, exclusivité à la prod Lido. Big up, ça vient de Marseille. Ça fait. C'est rappeur d'instinct. T'as une prod sous l'ec, ramène. Inspire en fonction de la manière dont la vie nous malmet. Tu l'es, tu croyais qu'on avait stoppé. Jamais. Même si on prend notre courage à une main. Jamais. On prend les mêmes et on recommence. On parle leur vitrio, dealer qu'on prend les commandes. Rip ego, écrase shit, mégo sur un clac-clic, mégo six, balistique, négro, ça mérite un clip, ouais gros, on va le faire sale. On n'est jamais parti, on était dans nous faire ça. On veut des grosses thunes, gros gamos c'est belle sap. Ouais mais featuring, Pokora on peut pas faire ça. A la moindre chez AF, ton équipe à fou. Si dans le rap y'avait des gangsters, ce serait pas fou. Pas une crapule, mais en réfléchissant, je devrais be like 2013, on va les baiser pour de vrai. Ils ont baissé les bras après leur vente de CD. Ceux qui ont tout sacrifié pour ne rien posséder. On n'est jamais parti, on n'est jamais parti. On n'est jamais parti, non, on n'est jamais parti. Y'a ceux qui le font qui ont régressé depuis 10 piges. Ceux qui ont voulu clash, on leur a mis une fiche. On n'est jamais parti, on n'est jamais parti. On n'est jamais parti, on n'est pas parti. On n'est jamais parti, pris les dames qui veulent pas compris. Mon rap à la haine d'avoir erré en zombie. Rappeur d'instinct, côté boycott, on a fait le tour. Aïe, Zico, MC, deux soirs. On crie pas au secours, c'est la revanche et c'est tout. On a fait tout, espérant que demain sera gagnant. On n'est jamais parti, on est dans la partie. 3 MC, tu comptes te faire coucher par qui? Tu me vois raccrocher le rap sans camos dans le parking. La mama dans le bulti, il perce avec des strings. On manque quoi style, demande à la street. On fait du bah c'est la rue, cherche pas de la romantique. Ceux qui nous envoient des pics, on les nique. Ceux qui nous envoient des pics, on les nique. RLF, Six, MA, O, plus je ne. On joue avec le micro, plus je nous gros. Y'a ceux qui ont baissé les bras après leur vente de CD. Ceux qui ont tout sacrifié pour ne rien posséder. On n'est jamais parti, on n'est jamais parti. Non, on n'est jamais parti, non, on n'est jamais parti. Y'a ceux qui le font qui ont régressé depuis 10 piges. Tous les vrais connaisseurs, on leur a mis une piste. On n'est jamais parti, on n'est jamais parti, on n'est jamais parti. On est dans la partie. Du porte à porte pour me décider. Je l'épine avec un grand P. T'auras jamais mon soin, grosse talpé. Grosse pédale. Je manie les mots comme une arme enclenchée. On n'est jamais parti, c'est ça nous a incarcérés. Tu veux du IR, faudra payer. A chaque coupé, y'aura un meurtre prémédité. Prémédité. A chaque coupé, y'aura du sang. Des joies, des cris, des larmes et des putains de billets de sang. Y'a un CR 357. On n'est jamais parti du quartier. On a toujours été soudés. C'est le système qui nous a préparés. Avec rien, on bricole. De 3000 euros, on décolle. J'suis de la nouvelle école. Frino. Ouais, je rallie le moment où vous c'est qui. Tu veux la manière douce Micham. Ou forte. Comme CR, ça vient de Robespierre, ma gueule. J'vais pas te le répéter, faudra mettre le prix. Pose trois billets en première classe, on n'est jamais parti. Ceux qui ont baissé les bras après leur vente de CD. Ceux qui ont tout sacrifié pour ne rien posséder. On n'est jamais parti, on n'est jamais parti. Nous on n'est jamais parti, non on n'est jamais parti. Y'a ceux qui le font qui ont régressé depuis 10 piges. Ceux qui ont voulu clash, on leur a mis une fiche. On n'est jamais parti, on n'est jamais parti. Nous on n'est jamais parti, on est dans la partie enfoiré. Eh ouais ma gueule, rappeur d'instinct. Ok, ça c'est Champion Music. Danny Santé à la prod. Ok. Ok, ok, ok, okay. Écoute cette musique de vainqueur ma gueule. Parce qu'on n'est jamais parti, on n'est jamais parti. Venu au monde pour me battre, pas pour me plaindre, pas là pour participer mais pour vaincre. Dans les synthèses, champion de ces champs, champion de ces champs, champion de ces champs. Écoute, celle-ci c'est uniquement pour les mecs des terres. Quitte le vestiaire dans le but de terrasser l'adversaire. Sachant qu'en un éclair, je peux tout rafler ou perdre. Je rentre en cabine pour froisser la basse, éclater la caisse claire. Je veux un gros Cayenne dans ma villa. Je rêve pas d'un Yemen Nabila. Champion musique détruit tout sur son passage. Appelle-moi Godzilla. La garde constamment levée, voilà ce que je reflète. Celle-ci c'est pour ceux qui ne se souviennent pas du visage de la défaite. Bang! Je suis au monde pour me battre, pas pour me plaindre. Pas là pour participer mais pour vaincre. C'est de la champion musique. Champion musique. Champion musique. Projet Six toujours sur iTunes. Ok. Pas pour me plaindre. Ok. Pas là pour participer mais pour vaincre. On fait de la champion musique. Champion musique. On fait de la champion musique. Champion musique. Je sais exactement où j'en suis. Même sans boussole, comme une mère soldat qui élève ses enfants toute seule. J'arriverai en force, ça paye pas la douceur. Sorti de la salle du temps, je vais leur apprendre la définition du seum. Venu au monde pour me battre, pas pour me plaindre. Mis à part le tout puissant, y'a rien à craindre. Ceux qui m'ont cru enterré sont privés de leur salaire. Sultan, que les concurrents se plient car ils sont morts dans le six. Une patience à des limites, la roue est silence. Un. Moi je le fais pour mes frères prisonniers d'une chaise roulante. J'ai la lue. Tu fais pour tirer la gueule sur des trucs marrants. Comment ils font pour sourire ceux qui n'ont plus de parents? Woo. Moi j'appelle ça des champions, prêts à décrocher la lune avec des gants, des crampons. Béduc, j'ai acharnement pour maîtriser les tensions. Possible de se refermer même après 10 ans de détention. Venu au monde pour me battre, pas pour me plaindre. Woo. J'fais de la champion musique. Champion musique. Champion musique. Champion musique. Venu au monde pour me battre. Uh-huh. Pas pour me plaindre. Uh-huh. Pas là pour participer mais pour. Roger Six toujours sur iTunes la famille. Champion musique. Danny Santé. Bang bang bang bang bang. Venu au monde pour me battre. Uh-huh. Pas pour me plaindre. Uh-huh. Pas là pour participer mais pour vaincre. J'fais de la champion musique. Champion musique, de la champion musique. Champion musique, venu au monde pour me battre. Eh ouais, pas pour me plaindre. Eh ouais, pas là pour participer mais pour vaincre. On fait de la champion musique. Champion musique. Champion musique. Champion musique. Ok. C'est la Nocturne et Six après le contrôle de la Nocturne ce soir. À fond, à fond. Une semaine avant la sortie du projet. Exactement. En précommande dès maintenant, on peut y aller. Hein. Faut y aller, faut bombarder. Hein. C'est les précommandes, ça veut dire que le projet va sortir vendredi. Un projet qui s'appelle, rappelle. Qui s'appelle Avertissement. Avertissement, ouais. Et que malheureusement, il sortira pas en physique dans les FNAC, etc. Dans les bacs. Faute de temps. Que du digital en fait. Faute de temps, donc il sort que en digital. Donc je comprends les gens qui attendent le jour de la sortie, mais ils vont se précipiter dans les bacs, 1, 2, 3, et il n'y aura rien. Donc, c'est normal, hein, attends, ce tour-là, je suis obligé pareil, de vous encourager à aller chercher le projet sur iTunes. Et il est en précommande, la famille. Donc allez-y, vous tapez Six, Avertissement, vous allez trouver c'est forcément le projet. Passe. On écoutait des extraits. Dis-nous un mot sur les morceaux qu'on écoutait auparavant, alors qu'ils n'étaient pas forcément extraits du projet, mais. C'est ça. Qui retraçait le parcours un petit peu de Six. C'est ça, on a écouté Détroit, qui est sorti, qui est sur iTunes aussi. On a écouté Jamais Parti avec mon groupe, Rappeur d'Instinct, RLF Maos. C'en est où d'ailleurs, Rappeur d'Instinct? Est-ce qu'il Rappeur d'Instinct, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué, de toute façon. Mais on est là, on est là. Pour tous vous choper ensemble, c'est un peu. C'est une galère. Ouais. C'est une galère. C'est une grande galère. Mais on est là. Les frérots, ils sont là. Il y a Maos qui est là. Et quel souvenir t'as justement des Rappeurs d'Instinct, la façon dont vous avez formé le groupe à l'époque? Des grandes barres de rire en studio. Combien de fois on est venu devant toi à Skyrock faire des freestyles avec Mafia Carfree 113, avec Rimka. À l'époque, This is la peste, Poisson Rouge, tout ça. Puis, à l'époque, on te ramenait les cassettes pour que tu les passes à la Nocturne c'est vrai. 98. Et le DAT, tout ça. Laisse tomber, c'est une grande histoire, Rappeurs d'Instinct. C'est à la vie, à la mort. Rappeur d'Instinct, c'est ton groupe, d'où tu es issu. Exactement. Et après, chacun, selon sa vie, continue ou ne continue pas. C'est devenu compliqué pour tout le monde. Mais on est là. On est là. Six, au contrôle de la Nocturne, 100% rap français. On part sur une nouvelle session, Six. Ouais, on va repartir sur une nouvelle session. Là, on va jouer un titre qui s'appelle Venaki. C'est un remix. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est un gros son qui tourne, un gros son reggaeton qui tourne beaucoup dans les clubs, dans les chichas, sur internet. Mais là, on a fait une grosse version avec Kenza Farah. Voilà. Et il y a un clip qui arrive. Il y a pas un clip qui arrive. À DJ Mogwin. Ouais, le clip il arrive. On l'a tourné à Ibiza. Ouais. J'ai vu des images en disant que ouais, ça a été tourné un petit peu. C'est ça. T'es connecté, Fred. À Ibiza. Exactement. Bon, en attendant le clip, il y a déjà le son. On l'écoute maintenant. Allez, coup d'envoi. On l'écoute. Venaki remix. DJ Mob Green. Ok. Je t'aime comme une habitude. Et j'aurai Y'a beaucoup de gens qui connaissent pas Six mais qui connaissent ce morceau. C'est chelou hein. Ouais ma gueule. Benaki Remix, bientôt en playlist sur Skyrock la famille. Ouais, explicite lyrics. La nocturne. DJ Shine au platine. DJ Shine. Ok. Ok, là on retourne à Vitry sur scène. Sophie. S-I-X. Dans le parier. Zesso. 2-0-M-16. Benef. Val de ma armée. The Bank. Y'a que la passion qui me retient. Sinon, ce milieu me dégoûte. J'espère que tu rends les coups. Car je suis bien décidé à en découdre. J'avais personne à qui me confier. Donc j'ai fait du rap. Raconte pas tes projets, les mauvais oeil existent. Fait-y, wap. Mentalité française, trop de talentueux sur le côté. Tu trappes depuis 3 mois, tu me demandes en fit. La conne de ta race, t'es vraiment culotté. Petite frappe, on t'a tous vu gerber. Wesh, mais plus de coca dans ton clan. Je suis plus viril que ton rappeur. Mais mon chanteur Vénin qui mieux vaut m'avoir dans ton corps. Face à mon miroir, je me confie. Un stylo, une feuille et je crée le conflit. Sur le terrain que des frères, pas de conflit. L'argent nous rend bête, mais je ne suis pas confit. 1-8-2 hein. Accompagné de ses coups M16. Robespierre. Tu la prends dans 8 coups, pas besoin de 16. KS discret. Je crée que bénéfice pèse en 4-4-2. Car 3 mailles la manoise. Donc aucun fit, car le game est plus attente. Vive le paradis, mettant les cash à Satan. Satan, pour du pif, on vise d'attente. Ils veulent un peu de mon flow, vas-y, guette la liste d'attente. Toi et moi, oui, c'est l'opposé. 2-3 gorgées, le négro se met à poser. Le centre de formation, la relève est assurée, ma gueule. À la dynamite, je suis dosé. Depuis, je les ai mis de côté. Boulka. Les bâtards veulent mes côtés. L'amitié, ça donne pas et tu penses tes côtés. Bon, d'enfoiré. Faire mon négro, c'est dessus, c'est perdu dans le bois. Voilà, je détaille. Je t'allume et je prie pour pas que tu dailles. Si t'inventes une vie de loca, genre tu mailles. Appétable, le PNF, normal, c'est de la caille. Tu penses nous la mettre. Non, c'est pas facile. Tu cherches la merde, on découvre. À faire sans suite. Beaucoup veulent nous tester, on leur laisse les restes. PNF musique, puis là, qu'on les pèse. Y'a plus de zipettes dans ton nez, dans ton sachet. 2-0-M-7, vous êtes tête, faut que vous sachiez. Mat l'enfoiré de Robé. La pêche, ils sont pas prêts. JJ Dealer, ce qui se passe après. JJ Dealer. Pour que ton putain de son soit raisonnable. Igo. Faut déjà pouvoir le clipper. Fais ton bon son jusqu'en Arizona. Igo. T'inquiète, ça c'est pas compliqué. 1 Jazz 31, Jazz 10. Qui est toujours occupé. Demande à 6 coups M16. Comme l'âge de la mort, je suis toujours en train de couper. Y'a madame qui m'attend, trop j'ai des riz. Ça va sur les temps, ramadan est coupé. Fais à tous les cas sociaux, sachez que le crime paie. PNF musique le PP. Vous êtes pas prêts. On sait quoi faire si y'a de là. C'est toi ou ta cousine qui finit sous les draps. Roger Derry. Viens voir ce qui se passe dans mes bras. Touche le 3-5 ou bien touche le cobra. Je dis 9-4, à l'époque des bracos, t'en sors pas intact. Va faire un tour dans la ville, les petits jeunes manquent de tact. Nerveux dans la vie, mais reste cool sur le track. Quand tu penses aux frères, t'as les phalanges qui se contractent. Double les coups, double contact. Ici la marchandise, tout comme le disque est compact. Vide ton sac, dis-leur tu ressens l'impact. Tous dans la passe, plus voir la tasse. Plus de concurrence, on lui crache à la face. Autour Bandit. De nous, le but est néfaste. Rien qu'on Balzac. Dépasse, ça vous dépasse. Toi t'es toujours dans la file d'attente. Moi j'arrive à l'heure, ta porte. C'est pas moi, c'est chez elle qui vise la tente. Je raconte pas ma Yves, au pire je la chante. Bang. 9K Orly choisi Vitry, Ivry Gentilly. C'est ça qui se passe. Champigny, Créteil. Ok. 9-4. Ah. Pardon. Ok. Non, je suis désolé, hein. Tu voulais enchaîner direct ? Bah oui, mais attends, j'ai compris qu'il y avait un petit... Peut-être qu'il faut en effet revenir sur le parcours de Six. Et s'arrêter deux secondes sur le morceau qu'on écoutait à l'instant. Ouais. Ça, un petit mot Bang. Dessus, ouais. Ouais, c'est un gros titre qu'on a fait avec Benef. Benef Music et Zesso. Mm. Benef, c'est les petits frères qui arrivent. Et Zesso, il est même plus à présenter. Hein. Dissident, Nesbill, Corias. Dédicace à eux. Toujours un projet dans les bacs d'ailleurs de Zesso. Hein, qu'on peut trouver depuis quelques mois. Ouais. Tous les projets de Zesso, ils sont dans les bacs. Sur iTunes, partout, 2000zo. Laisse tomber. Il est trop chaud. Ce qui est marrant, c'est qu'on écoutait le morceau donc avec Kenza à l'instant. Le clip arrive bientôt. Ouais. Toi, est-ce qu'il y a un moment où t'as une limite sur les sons ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tu peux rapper sur tous les sons. Et... Exactement. Non, mais c'est vrai. Bah là, c'était du reggaeton. C'est moi qui ai fait la prod. C'est mon idée en fait, ce morceau. Grosse dédicace à DJ Mo Green en direct de Marrakech. Et voilà, tu sais, c'est comme ça vient. Il y a aucun calcul. Il y a pas de, on va faire des sons au mois de mai. Est-ce que d'ailleurs maintenant aujourd'hui, parce qu'il fait beau, tu es plus ouvert sur des sons qu'à une époque où tu te restreignais sur certaines choses ou pas? Pas spécialement, parce qu'en vrai de vrai, depuis 2000, on fait des sons raga avec Rapport Instant. On a fait des sons raga avec Teddy Corona. Franchement, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling. Bon, il y a du monde qui arrive, tu veux saluer un petit peu? Parce que j'entends des bruits dans le studio. Il y a Black, il y a Tex. Des mains qui se claquent. Y a RD. Des fronts qui se frottent. Dédicace à Amadou et Noumouké. Et tous les frérots qui soutiennent. Six avec nous dans une semaine sort le projet de Six, c'est Avertissement. On peut le précommander dès maintenant, donc n'hésitez pas, envoyez les messages avec. Je vois plein de messages là, il y a plein de gens qui demandent Renoir. Ouais. C'est un son qui fait partie aussi du projet que je fais dans les showcases et que les gens kiffent malgré qu'ils l'entendent pour la première fois. Donc DJ Shine au platine, on envoie Renoir quand allez, tu veux. Allez, c'est parti maintenant. Renoir Six. DJ Shine. Ok. Reste calme, Renoir. Calme, Renoir. La muscu n'est pas un art martial, Renoir. Oh, Renoir. Écoute le moteur de la bécane, Renoir. Tu fais trop le Youvi, faut que tu cannes, Renoir. Authentique Six, tu reconnais ma foi, Renoir. Ouais, Renoir. 9-4, mon département et mon poids, Renoir. Si j'étais toi, je parlerais pas de zones, Renoir. Renoir, Renoir, Renoir. J'aurais honte de mes chefs d'accusation, Renoir. Wally Biz à la prod. Arrête de nous afficher, Renoir. Wesh, Renoir. Tout le monde a senti que tu t'es pas douché, Renoir. Wow, Renoir. Cette charalette t'a touché, Renoir. Renoir, mais tu risques pas de la cartoucher, Renoir. T'as pas plus de flow, Renoir. T'es tombé sur plus chaud, Renoir. Je les élimine même si j'ai pas la place que je mérite comme Zesso, Renoir. Ouais, je te clash ou tu te caches, Renoir. Les boys ça marche ou tu te craches, Renoir. Évite pas les sujets qui fâchent. 2016, je vais convertir mes couplets en cash et tu ne mettras pas tes mains dans mon affaire, Renoir. De ne pas donner sans trop de balles pour tout rafler, Renoir. Tu sais déjà que je l'ai pas fait, Renoir. Que ce soit pistonné, que c'est triché ou que ce soit de la chatte, je ressors de profondeur de leur jeu corps. Car c'est l'heure du cœur chat, Renoir. Reste tranquille, Renoir. Reste tranquille, Renoir. Wally Biz à la prod. Ok. Tu crois que c'est fini? Hein? Renoir, ils veulent que je fasse de l'intrappe. Renoir, je ne sais faire que de la frappe. Renoir, tes billets sont la table. Je nique la mer à l'instrumental. Renoir, mets ton gilet par balle. Comme un Charlie, tu as des rafales. Renoir, gang, je les gang, je les gomme, je les ken, je les conne, je les gang, on les croque, je rigole, c'est le 9K, 9K, Renoir, hashtag 66pack. Viens pas nous demander d'explications quand ta chaîne de guerre nous drague. Je répète, 9K, 9K, Renoir, hashtag 66pack, Renoir, cagoulé, je représente les champions du monde de la braque, Renoir. C'est Vitry, ma gueule. Dédicace à tous les champions du monde de la braque, du 9K. Tu sais déjà. Tu sais déjà. Renoir, Renoir, Renoir. Oh. Là dans mes prêts, y'a plus calibré. Du plus cramé au plus frais. On est tous calibrés, Renoir. Là dans mes prêts, y'a plus calibré. Du plus cramé au plus frais. Dédicace à Box Rap Game. Oui. Jazz 31 dièse la famille. Teste surtout pas. Wally Bees à la prod. Ok. 100% DJ Shine au platine. 100% explicit lyrics. Nocturne. DJ Shine. Oh là là. Yeah. International, my gueule. Leyanda. Brick and Lace. Écoute. On va pas dire qui a fait la prod. Ambiance-toi, ma gueule. J'abonnais toute la semaine. Debout à 6h du matin pour gâter mes semelles. Yous. Dans ma tête, les problèmes se promènent. Calais, calais. Mon lit, je tourne et ça trouble mon sommeil. Mort. Ce que je veux chiller, chiller, pas le temps de faire du ciné. Bac 26, wesh, Renoir. Snappé, brûlé la pile. Nayanda 6 en 9, DJ Fé. Morique. Le plus grand des cas. Le plus grand des cas. Oh, Matt. Le plus grand des cas. Ce soir, je me mets bien, je suis ambiancé. Tonight, it's party time. It's party time. Weekend Lace, ma gueule. It's my birthday. It's my birthday. Terrain, ma gueule. Teste surtout. Teste surtout pas. Get ready. Woo! Make sure you're ready for this. We're here from Jamaica straight to Paris. Nayanda. Can't keep up, can't match my fitness. My legs, my hips, check my thickness. Chemist. You know me, you know my business. Chicken dinero, that's my business. I'm hot on the floor and I pop like a quiz. Bubble up, bubble up, bubble up, fizz. Woo! Miami à Vitry sur scène, ma gueule. En passant par la Jamaïque. Dans le plus grand des cas. Le plus grand des cas. Dans le plus grand des cas. Ce soir, je me mets bien, je suis ambiancé. Sur internet, sur Skyrock. de me voir plus bactère. Qui a dit qu'il y a plus d'espoir parce que t'es black frère. Des hauts, des bas, des hauts, ma vie est une altère. On se retrouvera au sommet, j'te jure sur la tête de ma paire de Nike. Les envois là, over the top. On est encore quand t'as pris sur stop. Ne cesse d'augmenter comme le prix des clubs. Ma musique est prête à faire le tour du globe. Marquée, on est tour du globe. J'bosse dur, toi les mouches tu gobes. Donne le mic et j'te retourne le club. Flow trop speed, on fait pas tout club. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. La fin du gobelet rouge annonce aussi la fin de la récré. De la qualité, on est six gros. Six San Francisco vont faire des sons vieux. Ressens-le. I'm gonna rise. Wesh la mine. Wesh le chapeau vert. Feu le feu. Ninja. Back back de Monaco. C'est ça qui se passe. Je vais faire la une par tous les moyens. Je m'adresse au game, regarde-moi bien. Je vais faire la une par tous les moyens. I'm gonna rise, t'as compris le sens. J'arrive en puissance. C'est du premier degré quand je parle de prendre mes distances. Les coups, les douleurs ne s'oublient pas même sur la piste de danse. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Miss France, tout brisé sans chercher à faire l'unanimité. Dans mes pouvoirs comme dans mes dépenses, je ne suis pas limité. Quoi, Chantel? Qualité, on est six. Six San Francisco. Faire des sorts vieux, ressens-le. I'm gonna rise. Continuez à envoyer des messages sur l'écran, on voit tout. Ouais, ouais, ouais. C'est la Nocturne, c'est Six au contrôle de la Nocturne sur Skyrock. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on a écouté, Six? Alors, on a écouté, pour revenir sur le Venaki avec Kenza Farah. Ouais. Et Lumidi. On a écouté Bang avec BNF Zesso. Aussi. On a écouté Renoir. Aussi. Produit par Wally Bees. Créteil 94. On a écouté KLM featuring Nayanda, Brick and Lace. Et là, c'était Gonna Rise featuring Francisco. Ça, c'est un inédit, parfait inédit. On le retrouve nulle part. On le retrouve où, celui-ci? Nulle part. Nulle part? Il est trouvable nulle part pour l'instant. Pourquoi? Ah, parce que c'est un titre que je voulais mettre dans le EP. Après on a fait une petite réunion, on a dit non, pas maintenant. On le garde soit pour l'album, soit pour un hors-série. Parce qu'il faut savoir que j'ai plein de morceaux avec Francisco, tu vois. Ouais. C'est le genre de personne avec qui tu vois, tu fais un son, le feeling il est encore là, t'en fais un deuxième, un troisième. Donc voilà, on avait fait Bever à Lille, c'est un gros son qui est déjà clippé, qui est sur YouTube pour DJ Hamida. Le clip il est déjà sur internet. Et voilà, on en a fait deux autres. Et voilà, après il y a le feeling. Qui était présent dans cette réunion pour dire non, on le met pas? Bon, y avait Spence, il y avait Juliette, il y avait Kama, il y avait Boubou, il y avait Sori. Ils ont dit non, on met pas. Non, ils ont dit que le son il était plus. Plus propice à un album. Je comprends. Voilà. Alors c'est quand cet album, Six? Cet album, à mon avis, ça sera d'ici la fin de l'année. On va rester sur 2016. J'étais pas là pendant 3 ans. J'ai rien envoyé pendant 3 ans, ouais. Donc voilà, c'est l'heure là. C'est l'heure de la vengeance. On rappelle que dans une semaine sortira Avertissement. Exactement. Là, c'est une mise en bouche, j'ai envie de dire. Ça sort le vendredi 13, ça fait peur. Ah merde. Ça fait peur. Oui, vendredi 13 mai, dans une semaine, sortie du projet de Six. Déjà en précommande. Et déjà en précommande, on peut partout, y aller. Partout. On peut cliquer, on peut aller chercher tout de suite. Ouais. Envoyez les messages, tiens, regarde, je vois. Dédié à Karim, la gratuité à Fren de la part de son Zen. Karim, gratuité, ouais, si, ça c'est la famille, c'est des vitriaux qui sont enfermés. Dédicace à toutes les maisons d'arrêt de France, même les gens qui sont enfermés en Martinique, dans des endroits bizarres, pour des faits bizarres. Et voilà, on est là, on représente. Et bon, salut tout le monde, c'est Six au contrôle de la nocturne. On repart sur une session ? Là, on va repartir sur une nouvelle session, ouais. On va faire un gros big up à tous les mecs de Vitry. J'ai fait un gros morceau qui s'appelle VTT. C'est le freestyle le plus long de l'histoire du rap dans le 9-4. C'est pas possible. Si, c'est possible. Combien de minutes ? 24 rappeurs. Et combien de minutes ? Oh, il doit faire une dizaine de minutes, je pense. Ok. DJ Shine, est-ce que t'es prêt ? Allez, c'est parti maintenant. Ouais, je vais DJ Shine. C'est la crème du terre-terre. Vitry. Pareil, c'est la frousse du commissaire. Vitry. Faire le frein, plus sur le terre. Vitry. Écoute ce que mes Vitry ont savent faire. On reprend les affaires. La crème du terre-terre. Vitry. Pareil, c'est la frousse du commissaire. Vitry. Faire le frein, plus sur le starter. Vitry. Écoute ce que mes Vitry ont savent faire. On reprend les affaires. Bienvenue dans les soucis. J'enlève ma cagoule pour taper la vie. Lui met un balzac. Passe ta vie à taper la vie. Dans mon outil. Prends le 1-8-3 et marche droit. C'est à cause de mes couilles pleines que je casse la démarche. Balzac. En province, c'est le savro. Tout terrain, gâche lyrical, reste brave. Mais les mecs, allez leur dire que leur rap donne en Vitry. Clac, clac. Près de mon arme, normal. Pour un mec de Vitry, c'est la pique. Serein. S-U-R-1, si je me pointe, c'est mauvais signe. Coup de chlasse dans tes reins, flow tout terrain. Compresseur, crépé dans le corps. Descendant de Kuntakinte, je suis fort. Je surf sur les problèmes sur la rime. Y'a mes chef, mis des seufs, mis ski, mis se transforme en ballerine. Serein. La violence au mic, ça pas cru. Ça cave dur, ça rap dur, ça dort plus. On t'a mis supplé sous terre, sous le pare-choc, Vitry tout terrain. Tu reconnais la voix de Zesso. Ça sent la barre, c'est le faire. Blessé en convalescence, mais bien sûr qu'on va le faire. Billy. On continue le combat, les frères. Ils ont pris le goût du risque, à force ça va les perdre. Vitry le fruit divers, tu sais pas, ça va de pair. Jeunesse perdue, mais on reste plutôt des terres. Un domicile sur tous les terres-terres. C'est le 9-4, c'est pour les frères, j'ai envie déjà. C'est la guerre, me pousse à découper déjà. Même si ça fait déjà 10 piges de galère. 10 piges qu'on est prêt à baiser la France pour un salaire. Nique sa mère. Les frères se comportent de façon brave, grave, fière. Tous prêts à sauter avec 9-4 bastos de rap. BRS, raser la barbe, non. Raser le crâne, non. Mais raser les terrains autour du département. Je ressens ta coupe par Paris. Vitry tout le terrain. Intensible. Pas tard, ton droit crève. Parole de marche dans le barbouchi. On reste des bonhommes parmi tous. Maman des masters. Mac Madaman, sur le terrain je lâche rien. J'ai la rage d'un balafré qui n'a pas vu là l'avenir. Y'a que les thunes et la mort d'un porc qui me donne le sourire. Y'a ça suite pour LF, t'as le R qui te fait la royale. Y'a que ta rage et ta haine qui sort mes corps focal. Malade. Mes doigts décollent aussi violents qu'un coup de rein. Toi la bombe le sud de Gondre. Reste tranquille petit gamin. Aruna fais pas le fou mon but de Mambo. Achabé Yahya La Sana Barbie. Bienvenue à Vitry, pas New York City. Reste clean abruti. C'est la crème du terre-terre. Vitry. Aïe, c'est la frousse du commissaire. Vitry. Faire le frein, plus sur le starter. Vitry. Écoute ce que mes Vitry ont savent faire. On reprend les affaires. La crème du terre-terre. Vitry. Aïe, c'est la frousse du commissaire. Vitry. Mais qui a fait cette prod monstrueuse encore? Écoute que mes vitriaux savent faire. On reprend les affaires. Comme dans un brago. Cherche d'explosifs sur les ados. Sur Vitry, tes potos, je te rends barge. Infranchi. Casse des 10 pour DJ, tu enfermes les hameaux. C'est Vitry, 94 ans qui travaille. Ok, tu connais Vitry. Entre le mal et les délits. Les courses poursuivent en 2,5. C'est comme ça que ça se passe dans nos games. À moi tout seul, c'est la new school. La grosse. C'est qu'on programme, je le vois. Youssef, on est la crème du terre-terre, tu Balzac. Vas démarrer. J'ai le mouton égaré, one t'es par les codes du berger. Soldat cousin, nique sa mère, c'est Vitry, yo, tous les mecs enfermés. Par sauvage avec Boubac, Big Up, Tigana, Anthony. À travers la voix du 05 Crew. Missile sur le deuxième opus de Mister Spin. Ça rappe, ça dérape. Mahoney Balzac, Vitry sur scène. Soyez-vous. Mon frère, 94, raison de se foutre en l'air. C'est un truc de fou. Hey Matza, un truc de malade. Comme dirait Doudou Masta. Big up. On se fait tourner, se met Alda dans nos caves. Pendant toi tu tapes le bossu de notre part. Ici, Vitry on te la met dans la lucarne comme Messi. Trop ghetto, you le degré de la prophétie. Vitry tout terrain, comme le CFOP, on casse terrain. On fait circuler les rimes, comme un numéro 10 sur le terrain. Un noir SX, la brigade du terre-terre, c'est devant le juge et l'inspecteur, tu dois se taire. VTT, la calme-moi, bâtard, c'est fait. On fume le rap depuis longtemps, tu viens te mettre à crapoter. Sois sympa, ne teste pas si tu ne veux pas te raconter. Tout terrain, ici on touche à tout cas. Que ça soit dans le hip-hop, dans la rémie ou dans le raga, 5A. Du 9-4, t'es pas prêt de se terminer. On a trop de choses à dire, on est trop déterminé. Dois-je te rappeler qu'on est plus 6 en MC. Et en avant-première, c'était Mister El Tunzi. Même dehors, j'ai l'inspiration des ouais, doigts pelés. Visage par la rafée, plus de charme sous une camel, coude. Jamais. Écoute, serré, serré comme des menottes. Le pilier de mon honneur, Ray, c'est mon clock. On est en bloc, même un feu qui le dépend. J'ai le son qui porte des bébés. Écoute ça, tous les chemins mènent à Fleury. C'est la crème du terre-terre, Vitry. Ah, c'est la frouche du commissaire, Vitry. Faire les freins plus sur le starter, Vitry. Écoute que mes Vitry ont ça à faire. On reprend choisis les affaires, la crème du terre-terre, Ivry. Paris 13ème, Vitry. 17ème, 18ème, 19ème, 20ème. Bang, bang. C'est tout terrain, toujours au taf, ouais. Pas de bluff en sous-marin. Foyadem, pas de pression, ça sert à rien. Ouais. Tu perds ton temps, ouais. Par ici, nous c'est toujours des guerres. On récite quelques percées. Ouais. Ensuite, on part en guerre. Qu'on a pris les plus à prendre, ouais. Même si tu mets le prix, ouais. Mon assis ou MC. Ce qu'on sait faire depuis tout petit. Abonné aux Parisiens, fait divers au quotidien. Vitrio, toujours au casse-pipe, me tirer ses Camille Groot. Tu décides, maudit quartier, les gens. Ça, si t'es pas dans le son, je t'explique ces changements. Alors, petit fier, comment ça, petit frère? Tous plus petits que le plus petit de mes petits frères, Titien. Ça perd la guerre, car ceux-là, ils ont trop souffert. Danger ceux qu'ils ont, affaibli nos pères et nos mères. Youssouf, œuvre d'une vie jeune banlieue, ça raccroché à la misère. Vitry, la reine mère, le 9-4 sera toujours ma terre. Cherche pas à savoir comment ça va, SO2. Pourquoi SO2? Forcené de savoir, ainsi qu'un clock. T'as des nettoyeurs à tes trous, ouvre pas trop la bouche, ça sent la merde, la merde, ça éclate. Tiens, ta dose drape, ah, hip hop brave, méconnu, mais qu'a t'as signé des autographes. Quoi? SO2, Anti-État, le D3, parce que c'est bientôt Fantita, débarquement dans l'arrêt des athlètes. OSBO, enfin comme un camé qui est à sec. OSBO, un morceau qui va plaire, qui va faire du boucan, qui va faire taire beaucoup de gens. Ça vient de Vitré, de s'étraver, nos supporters et des pavés. Le rappel, c'est la mission, on vient s'en charger. 2009, 4, c'est l'apogée. Vitré vient rapper toute la rage des halls qu'elle a pas purgé. Esco! À Vitry, la seule chose qui augmente, c'est l'effectif de police. Chez nous, y'a peu de four, les bratures ont fait chuter la Banque de France. La bac en 307 en transe, des fois dans le mauvais sens. Jaloux, si tu les écoutes! Couler les gants, 5-7 pour la recette. La big up! À la peau, comme c'est cas sur un brix. Les bratures se multiplient de plus en plus comme les gremlins. La moitié de mes vitriaux font la cesse au DR Fleury. C'est pour la vue du hip hop, cousin, regarde comment j'ai vieilli. J'ai payé les promenades, on arrive en hélicoptère. T'inquiète, voulez, on sait le faire avec le permis de la misère. Dédicace à tous les frérots du quartier qui nous écoutent. De vos gens, je me désaltère ici. Tu gagnes et tu perds sur le terre-terre. VITR, Y, dans les parkings. VITR, Y, Vitrio, faut dans leur voiture. Triotes, tous crêtes. VITR, Y, VITR, Y, eh ouais, ma gueule. Dans le rap numéro 1 dans les banquettes. C'est la crème du terre-terre. C'est la frousse du commissaire. Puis sur le starter. Écoute ce que mes vitrios savent faire. On reprend les affaires. La crème du terre-terre. Avertissement des gens en précommande sur iTunes. Plus sur le starter. Violent comme un cardjack, un arrasage de sac ou la dernière goutte d'un jack. Ouais, je rime. Série qui te frappe dans un sac. Des plaquettes, des polos, des ballons, des bastos. Gratos. On trop fait la moustache. Bingo. 4 étoiles. C'est gang gang, on se retrouve sur un plateau. Un plateau. Un plateau. Exclu. Descru. Vitry. Vitru. Vécu. T'as la sécu. Je suis assuré ton cul. 1-2-1-2. On fait du mal, malheureux. Toi que tes yeux pourraient bleu. Renoir. Rebeu. Représente. Et fort ton insigne. Quand on rappe, on casse ta cabine. Rappeur d'instinct, faut pas s'en faire, ça arrive. Ma vie, tu compresses. Roule un spiff. C'est la crème du terre-terre. IR. IR. Et va te faire niquer, mon frère. Rien qui change, frère. Frère, dis, tu de la terre. Alain Delombe. Des terres de Robespierre, les tous des terres, sa mère. R. Crew. J'aillir le sang d'une pierre. Les salopes vont criser. Les salopes vont se me briser. Ils sont dans la mer. Dans la crise, reste pas enlisé. Alain Delombe. Je saute en l'air si mes héritiers pensent être ghettoisés. Je trive, mais entre mes potes, beurre, black ou tisme. Et les gars, ça a la daronne. Qui fuck le grand zoulotisme. Vitry tout terrain comme sur terrain, faut garder les pieds sur terrain. Mon capi au 4x4, je suis comme un tout terrain. Volontaire, on traîne tous, africains, sans affront, on fout la frousse. Sors la machette comme un brousse. Écoute mon son net, dont on aime pas la frousse. J'ai avec les moyens du poids. Sors pas de la Sorbonne crousse. Pas de diplomatie dans pays terre, Y. Ça fait dans nos fréquentations des mots. Wesh Madina. Wesh Mousse. On invite tes coups de Des rails du plateau, ici Vitry, des rails de la gare jusqu'au plateau. DJ Mouch, me parle pas de Shimano. Dans ma street, y'a pas de valet comme dans le rap de Shimano. Nos rimes viennent décrasser les carbures, rapper c'est les lardus, mais surtout militaire autant lardu. Rapper vous qu'à Vitry c'est easy. Un basse KOSS, un flow okay. Comme musique. C'est la crème du terre-terre Vitry, ah, c'est la frousse du commissaire Vitry, c'est le frein plus sur le starter. Vitry, écoute ce que mes Vitry ont ça faire. On reprend les on présente comme jamais. Vitry, ah, c'est la frousse du commissaire Nefka. Vitry, c'est le frein plus sur le starter. Henri, Choisy, Gentilly, Créteil, Champigny. 9-4, VTT, la puissance d'un train. Eulo, il fait péter pour les autres, ça craint. Ramène ta meuf à domicile. 11-43, Hazard. Elle nous oublie pas. On rappe, break, Sofiane, Bourgogne. On a toutes les dictées, c'est plus le Capran, la Vanoise. On a la classe et en plus, on est sûr de nous. Dans le sport et le biz, on vous baissera tous. Combinaison que t'aurais jamais cru possible. Ennemi juré pris pour cible. Avec multi-récidive. 9-4, la musique nous rallie. On est ensemble et pour la bonne cause on s'allie. On soit la passe, la caisse et la tardie. On représente en fait. Ça nous écoute jusqu'à Monaco apparemment. Solidaire avec l'équipe depuis la MJ. On soutient le poteau. Dédicace à Phénomène Business, BNF Music, Mike Lucas, tous les vitriaux qui kick et qui sont pas dans ce morceau. La crème du terre-terre Fredo Do, Badass Therapy, Kiko MC. Bang. Aïe aïe aïe. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. La nocturne. C'est le feu, hein. Six, fort, hein. C'est le feu, hein. Où est-ce qu'on peut retrouver ce morceau, Six? Ce morceau, c'est dans Un pied dans la lumière, mon deuxième album. Ouais. Que j'étais venu défendre ici avec toi, je sais pas si tu te rappelles. Bah. C'était en 2010. Mais tu crois que je peux avoir Alzheimer? On sait pas. C'est un peu tôt, c'est un peu tôt encore. Ça fait longtemps que tu travailles là, ma gueule. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais. Voilà quoi, c'était. Putain, t'as dit ça, regarde, les mecs sont. Les mecs et les nanas. Juliette s'est retournée vers moi. Des gens bizarres qui sont. Alexis s'est retourné vers moi en disant. Grosso modo, oui, c'est vrai, il faut le remplacer. C'est ça qui se passe. Mais non, je suis toujours là. Il est là, frère. Je suis toujours là. Ouais. Ne vous en déplaise. Notamment Juliette, tu n'auras pas ma peau tout de suite. La nocturne avec Six au contrôle dans une semaine. Le projet de Six, 8 titres pour l'instant. Ouais. 8 titres pour vous faire patienter, pour l'été. Voilà. Et on reviendra avec un album si tout se passe bien avant la fin de l'année. Et donc ce morceau, je disais, ça c'est un précédent projet. Ouais, c'était dans Un pied dans la lumière, mon deuxième album. Voilà, j'ai invité un maximum de Vitrio sur le son. Mmh. Le morceau il s'appelle Vitry Terre-Terre, Vitry Tout-Terrain, VTT. Et voilà. On repart sur une session ou on s'arrête là, Six? On va repartir sur une session. Très bien. Là, on va jouer un titre très bien. D'un grand frérot à moi qui s'appelle Issa. Tu l'as vu plusieurs fois ici, oui. Aussi. Voilà, il a fait un titre en hommage à son petit frère, Jaco. Mmh. Paix à lui et à toute la famille Sawané. On va jouer ça. On n'est pas là pour plomber l'ambiance, mais bien sûr. C'est la loi, on est obligé de représenter. Et on en profite pour saluer aussi Momo, ouais. Que t'as connu. Momo, évidemment, voilà. Exactement. Qui nous a quitté il y a quelques jours. De l'équipe de Skyrock, qui exactement. Qui traînait dans les couloirs pendant la nocturne. Exactement. Donc voilà, tous les disparus ces derniers temps, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, malheureusement. Et on va les dédicacer, on va en dédicacer. Une grosse dédicace surtout aux proches, aux familles qui sont là, qui restent là. Courage à toutes les familles. Voilà, exactement. On y va? On y va, DJ Shine, quand tu veux. Ce morceau, on le retrouve où, Six? Ce morceau, on le retrouve sur YouTube, il y a le clip sur YouTube. Voilà. Allez cliquer, Issa, c'est ça qui se passe. DJ Shine. 7h du mat, Marius m'appelle. Viens vite à l'hôpital, mon frère va mal. Il craigne pour son pronostic vital. Si Abou arrive avec mon père, prévenez vite la famille. Commence alors une longue attente avant qu'on ne puisse le voir. Impuissant sous mes yeux, j'ai vu mon petit frère partir. La souffrance de mes parents, y'a pas de mots pour la décrire. Famille unie, quand un des nôtres souffre, nous souffrons. On se relaie à son chevet, bisous et prières sur le front. Je voulais qu'il se réveille, c'était déjà l'heure du grand sommeil. Visage illuminé qui s'en va comme un coucher de soleil. Désemparé car jamais vraiment préparé. Bien sûr j'ai pleuré, pleurer. Ces jours de deuil anéantis l'homme et son orgueil. Des jours marqués par le silence qui accompagne les recueils. Ton départ le même jour que celui de Madame Belagda. De nous tous, t'étais son préféré pour la petite histoire. Dans la vie comme dans la mort, y a pas de hasard. Et si Dieu le veut pour vous, c'était le jour de la victoire. L'heure du départ n'est jamais trop tard, ni trop tôt. Tu m'entendras pas dire, c'est injuste dans mes propos. Dès le jour de ta naissance, t'es assez vieux pour mourir. Un oncle Bled m'a dit cette phrase, et ça veut tout dire. Reste le plus important, les doigts, la prière, pour l'aider à passer de l'ombre à la lumière. Tes potes, non, désormais je les appelle tes frères. Tous là pour toi, si tu les as vus, tu dois être fier. Jusqu'à t'accompagner pour l'ultime voyage en Afrique. Barakallah fik, soyons pieux et forts comme Toufik. Les preuves sont là, dans l'épreuve les miens se resserrent. Les liens se resserrent, pour que demain les mains se resserrent. Ces pensées vont à Karim, à toute la famille Mimoun. Votre mère est montée au ciel, par un soir de demi-lune. De retour sur terre, décès du père du regretté Nasser. Chacun son tour, quand c'est ton heure, y'a rien à faire. Période troupe dans la Tessie, j'oublie pas Jessie ou Madame Brigitte. On ne vit pas éternellement ici. Nous remercions Dieu, même le jour où il t'a repris. S'il veut le paradis, pour ça on prie et repris. Ceux qui croient savent bien que l'issue n'est pas triste. Mais j'ai eu beaucoup de mal à mettre à la place de Patrice. C'est qu'un rappel d'Allah, un appel à la réflexion. Ta propre existence est subitement remise en question. Ainsi va la vie, ainsi vient la mort, on n'y peut rien. Bébé dealer, un médecin ne peut changer le destin. Mes parents émus par cet élan de générosité, ces témoignages d'amour, le réconfort de toute une cité. Il y a des familles entières qui partent le même jour, des gens qui enterrent leurs proches et partent ce même jour. Il existe nulle part où fuir ou se mettre hors de portée. Quand l'ordre est donné, sans délai elle vient t'emporter. Quand tu t'y attends pas dans ton sommeil ou cet attentat, entends-tu le rappel? J'ai peur pour ceux qui n'entendent pas. Rien à prouver à qui que ce soit, plus le temps de parader. Je dois tout faire pour rejoindre mon petit frère au paradis. En attendant de te revoir, sur moi j'ai toujours ta photo. Paix à ton âme, salam à la famille et tous les poteaux. J'aime qu'on parle de toi, qu'on évoque les souvenirs. Les bons car les mauvais ne comptent plus, ça va sans dire. Généreux tu donnais à qui voulait ton sourire. Pas une personne avec toi qui n'ait partagé un fou rire. Rassembleur tu resteras celui qui n'avait aucun ennemi. À jamais parmi les grands, toi mon petit frère bien aimé. Hnin tu étais de nature comme ton projet. Assam et Karim ont promis de le prolonger. Du courage il t'en a fallu et il en faudra. À tous ceux qui t'aimaient, je pense à Déborah. Leur approche, y échapper est impossible. Je vous souhaite à tous une belle mort le plus tard possible. Hommage à Jaco. Force à toute la famille Sawan. Mamadou, Youssouf, Tidjane, toutes les sœurs Sawanées, les petites sœurs, les grandes sœurs. Dédicace à tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, tous ceux qui sont partis. Joule, Fatir Bronx, SK, Châtenay Malabry, Ahmed Soufi, force à toi Hamou, Mombi Traoré, Faiza Balzac, Fazia Balzac, Monsieur Belawas, Monsieur Kanté, Monsieur Djara, Monsieur Bami, Madame Daré, force à toi Mourad, Monsieur Fofana, Touki Bandi, Dako, Madame Belagda, Madame Mimoun, Jesse, dédicace à Luigi et Tony, force à vous la famille. Hommage à XO, Paul et Stéphane, Paul et Stéphane Mendy, Orly, Big up Arismo, ok. Grand respect au grand frérot Issa. Ah, on a tous des frissons ici. Merci, merci pour ce morceau. Grosse dédicace à Issa. Grand frangin. La nocturne avec Six, c'est vrai que c'est dur de reprendre derrière en fait des morceaux comme ça qui sont tellement. Ouais, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est la vie. On est obligé, on représente. En effet. On représente, on rend hommage. C'est la loi. Six, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne. Hein, on continue un peu. On est. On, là, pour le coup, on peut pas dire qu'on est désolé. Mmh. Parce qu'on n'est pas désolé. Mmh. C'est tout à fait normal. Mais voilà, on va essayer d'enchaîner. On va essayer d'enchaîner. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Petite dernière session ou il y a encore un petit peu. Ouais, il y a quelques morceaux encore. Quelques morceaux encore? Ouais. Sur quoi? Sur ton projet? Sur d'autres projets? Il y a quelques morceaux encore. Après, je voulais enchaîner avec. Un titre, comment dire, un titre qui s'appelle Tu sais déjà, ça fait partie du projet aussi. Ouais, donc la semaine prochaine dans les bacs. La semaine prochaine dans les bacs, vendredi 13. J'invite tous les gens à me suivre sur Facebook, Sikou MC. Allez-y, ouais, allez suivre. Sur la page Sikou MC, S-I-X, espace C-O-U-P-S, espace MC. Voilà, on lance des concours, on va vous donner les dates de concert, etc. Venez tous sur la page. Allez cliquer, au courant, allez cliquer, allez faire toute, un tour. Toute l'actualité. Donc on repart sur un nouveau morceau et puis après. On va partir sur Tu sais déjà et après on verra. Six au contrôle de la nocturne, c'est parti. C'est. Tu sais déjà, DJ Shine au platine. Avertissement. Je crois que Shine s'est endormi. Peut-être faut-il le réveiller. Bon, on va enchaîner avec C'est la loi. Ah, c'est la loi, ok. C'est la loi. Produit par Timo Prod. DJ Shine. DJ Shine au Nocturne 6 au contrôle. Bang. Tous les frérots enfermés. Brababa. Chou. Simon. Je vais tellement tuer la prod. Prendre une condamnation, ta raclée va se faire défro. Plus que mon paillasson, j'ai peur tes expressions. Ça dépend pour qui. L'orto, prends une chaudasse pour que je t'appelle ourti. Mathias, hein. La rime est suivie en psychiatrie. Le flow vient de Vitry, la Delphi. Nash est un inspi. Tes points, il t'a pas le bras. C'est long, même pour faire un selfie. En tout l'on devient pas des schlags, mais des mastocs ou des master chefs. Chef. Cet état ne supporte pas notre barbe. Chef. Il serait prêt à nous passer des mots à la prod. La boucasse mange des coups de trosse et des pénalties. C'est la loi, c'est la loi. On veut passer de la misère au Maserati. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi, mon frère apporte ta femme, ce qui est à toi et à moi. Sauter au plus bas comme dans la joie, c'est la loi. Oh, les brigadiers ont la rage grave. 48 heures de garde à, toujours pas de place. 72 heures de garde à, toujours pas de place. 96 heures de garde à, toujours pas de place. Les gangsters, non pas, j'entends, bouge sur l'orbite. Adversaire de taille sur orbite. La réalité, non mais tu peux fuir le feat. Pour la juge, t'es une biblette et pour la rue, t'es un beat. Chacune de mes vengeances est polaire. Responsable de mes actes, sauf quand je suis en colère. A chaque fois que ça rime en R, je me retiens d'insulter vos mères. Alors. Niquez vos mères. Rien n'a changé à part ça, deck. Objectif. Plus de verre qu'il y en a sur Namek. Compliments sincères, c'est le mec. Trop de mecs foncent des menaces en jurant sur la mec. La boucasse mange des coups de trosse et des pénalties. C'est la loi, c'est la loi. On veut passer de la misère au Maserati. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi, mon frère apporte ta femme, ce qui est à toi et à moi. Sauter au plus bas comme dans la joie, c'est la loi. Ouais, ouais, ouais. Ah, que les choses soient claires, c'est la loi. C'est une balance, même en écorchant un nom de famille. Au mais à des mafieux, une balance. Quand le plat est sorti, même si tu te rétractes à la barre, ma gueule. Grosse balance. On est bien tous d'accord, j'espère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien des mafias, 140 squad. Casse, mange des coups de trosse et des pénalités. 140 gang, c'est la loi. Gang, gang, c'est la loi. On veut passer de la misère au Maserati. Bon, dis-leur. C'est la loi. Ami doux, sans le. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi. Next. C'est la loi, c'est la loi. Bon, dis-leur. C'est la loi. Mon frère apporte à toi. C'est déjà toi et à moi. C'est déjà. C'est déjà. C'est la loi. Dis-moi à la prod. 100% explicite lyrics. La nocturne. DJ Shine. Ça va encore partir en vrille. Sel. Le clip est sur YouTube. Sel. Tu veux pas, tu peux pas tester, tu veux aimer, je suis dans ta caisse, tu veux de la cesse, vas-y fais le tour de la tête, tu veux ma tête, tape mon adresse. 9-4 ensuite Vitry, 8 rues Simone de Beauvoir, la veille de la photo de classe, je vais te faire un œil au beurre noir. Pas test, tu peux pas tester, tu veux aimer, je suis dans ta caisse, tu veux de la cesse, vas-y fais le tour de la tête, tu veux ma tête, tape mon adresse. Le seul rappeur de France qui donne son adresse. Ça fait, tu te reconnais dans mes couples, c'est que t'as pas grandi dans un palace. Ne viens pas me demander quoi que ce soit, bâtard, depuis mes débuts, t'es pas là. Pour mes frères et sœurs en cabane, en psychiatrie ou en cavale, ça t'amuse de mettre des bananes. Maintenant, en direct de mon Facebook, c'est cool, MC Galache. Un kick quand t'es gencive, j'accélère, mais reste compréhensible. Quitte à détériorer ma santé, bah si je fumais, j'aurais roulé un spiff. Coup de cash, j'ai dépassé la zigmu. Gauche, droite, les motards ne me suivent plus. Parle de vécu, parle de mitard, parle de la rue, parle de la haine, de la vie. Scientifique de la street, scientifique de la rime. Crix, combat. Contre la vie sans jamais s'en foutre dans les narines. Chacun son se vit, big rap de coco de ce que dit. L'angoisse ne nous prend pas que le jeudi. Que des péripéties depuis petit. Et c'est la même pour le morve. Ils reconnaissent les comptes et le leur uniforme. Le 5, j'ai la rage. Monocos comme l'année dernière. Même si tu restes le dernier, tu vas te la prendre dans le derrière. Écoutons ceux qui me foudront. Ceux qui passent le clair de leur temps sur le goudron. Que du nucléaire quand t'appuies sur le bouton. Qu'est-ce que tu vas faire face à nous, espèce de bouffons. On a survécu sans être diplômé. Faut absolument que la daronne boycotte le trône. Scientifique de la rime. Black. Scientifique de la rime. Les vrais savent qu'on est à les autres attendent qu'on arrive. Lève ma cagoule. Reconnais ton agresseur. Protège ta raclitazine, coup et même ta sœur. Ami. Du bon côté du fusil. C'est moi le chasseur. Nuance. LMC clic. Je suis pas un rappeur. J'ai des KRA, je suis attendu. Raille-moi, tu finiras pendu. Je débite des substances et des flots que tu n'as jamais entendu. Savoir mon secret. Le poing fermé et le bras tendu. Mitraillette verbale, c'est SX qui t'a descendu. Tu peux pas tester, tu me aimes, je suis dans ta caisse. Tu veux de la cesse, vas-y fais le tour de la tête. Tu veux ma tête, tape mon adresse. Bad 26 8 rues Simone de Beauvoir, MK. La veille de la photo de classe. Je vais te faire un œil au beurre noir. Tu peux pas tester, tu me aimes, je suis dans ta caisse. Tu veux de la cesse, vas-y fais le tour de la tête. Tu veux ma tête, tape mon adresse. 9-4 ensuite Vitry, 8 rues Simone de Beauvoir, la veille de la photo de classe. Je vais te faire un œil au beurre noir. Wesh Biggie, wesh Vitry, yeah. Wesh Mambo, Abibou, ouais James, S et X sans méchanceté. Tous ceux qui sont en direct du Kenz. Bang, bang. DJ Shine au platine. Sel. Le clip est sur YouTube, c'est qu'au MC officiel. Tu sais déjà. Vous inquiétez pas, on va enchaîner. Freezer, Vegeta, Broly. En direct du Facebook. En direct de Skyrock. Tu peux pas tester. Wesh Boubou. Titulaire indiscutable. J'compte plus mes forces comme le nombre de feux rouges que je crame pour aller viser. Paye tes dettes avant de croiser deux mecs déter sous leur visière. Jaloux, on leur passe le salam. Tu sais ce qu'on fait aux traîtres. En brochette, on les baisse, on les blesse, on les laisse à bicêtre. Bang. C'est la guerre, oui. Rap français, j'fais la thermie. J'peux pas m'inspirer de ces carines qui se tendinent et se mettent du vernis. Même si t'as pas de contenu, t'es juste un emballage. J'vais te faire un œil au beurre noir. La fête de ton mariage. Remballe ton plan foireux qui pue la zombie. Pour ton laisse-moi rentrer chez moi avec les cabas remplis. Mon brave gaz traumatise les emplis. Vous ne pouvez pas tester à aucun entêtement, je vous en prie. Les petits m'écoutent dans la caisse. Leur grand frère à fond dans la caisse. Avant de s'ambiancer ou de dire violemment de vider la caisse. Big up, freine, fleurie, terre, non. Ville, pas y'en a tellement. On y réo, on a même la marche, je représente fièrement. Je laisse aucune chance à l'instru. Penalty pointu. Mais qui me dit que ça tue. À part leur tête d'enterrement. Westmose Gang Gang. Je compte plus mes phases comme le nombre de feux rouges que je crame pour aller viser. Paye tes dettes avant de croiser deux mecs déter sous leur visière. Big up à tous ceux qui nous regardent sur le Facebook. C'est quoi MC fait aux traîtres. En brochette, on les baise, on les blesse, on les laisse à bicêtre. En brochette, on les baise, on les blesse, on vous laisse à bicêtre. Gamelle l'ancien, on les baise, on les blesse, on les laisse à bicêtre. En brochette, on les baise. En brochette, on les baise. En brochette, on les blesse, on les laisse à bicêtre. Kama, sorry. RD, Kaboche. Black, Maos, Pato. Aïe, Lolo. Gang. DJ Shine au platine. Bang. Bang. Bang. Tous les mecs enfermés. Hashtag Vegeta. Vegeta. Vegeta. FDP attend que je me retire. 762 et c'est de suivre la 14 de terre. Pas le temps de blatter, tu veux la guerre, jette la feuille des terres. Même après tous les boycotts de la terre. Champigny, c'est Otochi, Sierra Inja, Israël. J'ai les yeux rouges, ouais, il y a du poivre dans leur sang. Comme un air de Russie dans la cristalline. Surprenant comme une grosse pédale qui te sort un calibre. On a du talent, ils ont de la salive. La tête des gosses, vous allez me regretter comme salif. Boulogne. Personne n'est épargné sauf l'homme. Sors le tosma et le chlamme. Ma gueule si la prod est gang. En paix 2016, je veux les raqueter comme le quart. La rafale du M7, si tu viens pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Les pipelets de braille, pendez les haies, vous ressemblez aux billets de 500. Sorbillon, douche médicale, je vais prendre un bain sans. Paul Walker n'est pas de ma mif pour que j'ai un bassement. Fuck les excuses, allez le dire à Madame Vincent. En plus du flow, je vais leur apprendre à rapper dans les dents. Non, je vais leur apprendre à frapper dans les dents. Bang! Nucléaire sont mes essais. Wesh Lili! J'estime jamais la méchanceté d'une bête blessée. Damso! Au lieu de se réjouir d'être encore. Yeah! Starfoula en stream avec Chicole. Wesh Vince! J'suis hétérosexuel comme ça. Finir solo comme une bande. Pas de cœur comme une bande. Ma gueule si la prod est gang. En paix 2016, j'vais les raqueter comme le cartel. La rafale du M7, si tu viens pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Si à l'industrie, j'suis toujours pas d'aide. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Aha! Sans méchanceté! S! Foulec 9-4 Cyril! X! X! Lia! Voilà, petite nièce! Sans méchanceté! Mince prod! I de hanche! James Cameron! Ah, ok! DJ Shine, on partit! C'est que M, 100% explicit lyrics. Hashtag Broly Samsung. Dédicace à Benjoy. Mama, Taoulé Fred Ousmane 9-4. Dédicace à tous ceux qui nous écoutent à Marseille. Dédicace à Member K, Thunderbolt, Fond Vert, Castellan, Siko M16. Ah, ça c'est Broly. Ça c'est Broly. Le clip est sur YouTube, Siko MC officiel. Hashtag Broly. Hashtag Broly. Hashtag Broly. Passe par la tête, passe par la tête. Face sur iTunes ou dans les bacs, passe à la caisse. Trace à la Fnac quand tu sors de la fac. Quand tu sors de ton hall, zigzag entre les flaques de les nuages de fumée de cannabis. Tu vois 2 médisants se faire la piste, tu te canalises. Thomas Signé à Bérise, la police se banalise. Ouvre le journal et les pages faits divers te paralysent. Tu peux pas imiter, pourtant ça va beaucoup trop vite. Je compte pas manger des froliques pendant qu'ils roulent tous en folie. Flow pour les cousines à s'en arracher les ponies. Chaud pour tirer les oreilles à ces petits impolis. Fallait pas me pousser dans ma folie. Personne ne m'attendrira, même pas les blondes et jolies. Je vais tous les terrasser, même si derrière eux y'a Sony. Regarde-moi bien dans le blanc des yeux, appelle-moi Broly. Ah, pas comme un tête, on a tête à tout commun. Casse-moi pas la tête, c'est un trait, j'en viens aux mains. 94 400 ma ville, je représente trop bien. Ils attendent que tout le quartier leur crache dessus pour faire les chauves. On n'est pas dupes, on nous a grave, on est plus que la stupe. On ne valide pas, donc ça ne vendra plus. T'as pas donné hier envers nous, t'es la pire des crapules. T'es la pire des crapules. Sentis que l'attention est palpable dans le sud. Ouais. Je m'attrace à l'album inarrêtable comme un scud. Fais pas le fou, le monde est petit, Paris c'est minuscule. Que les lâches, je vais l'artiste contre un, je les s'encule. Broly. Ça c'est Broly ma gueule. Hashtag Broly. Hashtag Freezer. Hashtag Cell. Hashtag Vegeta. Les 4 clips sont sur internet la famille. Siko MC officiel sur YouTube. Testez surtout. Testez surtout. Testez surtout. La nocturne. Avec Six au contrôle. C'est ça qui se passe. Merci Six. Merci à toi. Merci pour cette nocturne en tout cas. Je sais pas si on a le temps de passer un dernier morceau. Tu veux, oui. Extrait de, extrait du projet avertissement. Un petit, je vois que tu grattes, très bien, j'essaie très bien. J'essaie de gratter. Tu as raison. Mon petit dernier morceau, allez, quoi. Dernier morceau avertissement, c'est dans une semaine dans les bacs. C'est ça, vendredi 13. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a un jeu concours aussi, Six, dont on n'a pas parlé ce soir. Ouais, il y a un jeu concours, c'est pour ça que j'ai envoyé tout le monde sur ma page Facebook, Siko MC. Donc alors, c'est quoi le jeu? Alors le jeu, bougez pas, je suis sur ma page, alors. Je vais vous en dire plus. Le jeu, c'est pour gagner de venir écouter en studio mon EP le mercredi 11 mai. Donc dès mercredi, il faut aller très vite. Ça se passe à fond. Le 11 mai, en répondant à cette question. Quel a été le premier extrait de mon EP avertissement avec le clip? Réponse en commentaire. Ah. C'est ça qui se passe. Siko MC, la page et, Facebook. Et S-I-X-C-O-U-P-S, plus loin MC. Et on me dit dans l'oreillette que tu seras présent à cette écoute. Que je serai présent à cette écoute, c'est la loi. Bah c'est la loi. C'est la loi. Et il y aura des exclus, on me dit encore dans l'oreillette. Il y aura des exclus, ouais, forcément. Incroyable. On va les gâter. Incroyable. Les gagnants, on va les gâter, on va leur offrir des CD. Avec des t-shirts bien. À gagner. On va les mettre trop bien. Incroyable, vraiment. On va les mettre trop bien. D'ailleurs, j'ai un t-shirt pour toi, je te le donnerai à la fin. Avec grand plaisir. J'espère qu'il va t'aller. Donc, et alors, pour répondre à la question, faut aller où? Par contre, Six. La question. Pour répondre à la question, ouais. Faut aller sur le YouTube. Qu'est-ce que je raconte moi sur le YouTube? Sur la page Facebook, Siko MC. Siko MC, ouais. S-I-X, plus loin C-O-U-P-S, plus loin MC. Voilà, ça c'est mon Facebook officiel, il n'y en a qu'un. Voilà. Et voilà quoi. Donc allez écouter dès mercredi. Il faut répondre. Rappelle la question, Six, s'il te plaît. La question, c'est quel a été le premier extrait du EP avertissement qu'on a très balancé bien. Et ben allez-y, répondez. C'est facile, hein. Et mercredi, exclu, t-shirt, la totale. On vous met super bien. Supra bien. Supra. Vous serez avec Six, pardon, si j'ai dire Siko MC. t'as le droit. Ouais, je peux le dire aussi. Donc Six en studio dès mercredi. On finit avec un dernier morceau. Ouais, on va finir avec un dernier morceau qui s'appelle Tu sais déjà, qu'on a déjà clippé avec Mas Prod à l'étranger, en Thaïlande, à Dubaï. Là, on va envoyer que des clips qu'on a tournés à l'étranger pour faire rêver tout le monde et pour amener l'été avant l'heure. Voilà quoi, c'est ça qui se passe. Et ben merci à toi en tout cas pour cette nocturne. Merci à toi, frère. Et merci à tout le monde. Merci. Allez, on finit. Dernier morceau, Six. On va finir avec Tu sais déjà, DJ Shine. Dès que t'es prêt, la famille. C'est ça qui se passe. Ok. Ah. Petit souci ou. Il faut remettre l'instru peut-être. On le trouve pas. Bah tu sais quoi, Fred, ouais. On va rejouer Mauvais Garçon. Bah comme tu en veux. En attendant, ouais. Et après on jouera Tu sais déjà. Mais qui a. Moi, tu veux que je joue? Non, Mauvais Garçon, c'est DJ Shine qui va le jouer. Allez, Mauvais Garçon, et on finit en effet juste le après clip avec le. Sur allez, YouTube, c'est parti. Sur la page. C'est... Mauvais garçon, qui se laisse pas marcher sur les pieds ni mettre la pression. Mauvais garçon, turn up. On n'est pas des voyous, juste des mauvais garçons. Mauvais garçon, gang gang. Pas manquer de respect ni mettre la pression. Mauvais garçon. c'est que t'abuses. Pour un tas, mais la but, je me chiffonne pas, je t'allume. Si t'es dans mon cœur, je suis prêt à me faire suriner. De chaos en deux coups, mandat sirène. C'est rebusseur, ruine à Marbella. Leur famille mange, imitation, Nutella. Je vais dans le futur, chercher l'almanach. Chiffre gagnant, villa pour la maman. Partout dans les rues de Paname, fermez vos gueules. J'suis dans le club, pourtant les videurs ont grillé mon game. Épargnez-moi les dictons, ouais. Envoyez-moi les bifs. Tous les chemins qu'est à Rome, tous les GPS mènent au crypto. Stéphane Hype, dites-nous à Easter, merci beaucoup. Dites aux traiteurs que j'ai l'appétit de Sangoku. Momo reste rage, j'ai pas besoin de prendre un rail pour faire un truc de fou. J'ai pas besoin de me faire tatouer, je me souviens de tout. Mérite des disques d'or, ok me fais pas un son. Go, puissant. Sous le capot des centaines de canastons. Ni sa mère, le succès d'Estie. J'peux plus revenir en arrière, j'ai trop investi. Je suis pas un voyou, juste un mauvais garçon. Mauvais garçon, mauvais garçon. Le clip est sur YouTube, la famille, mauvais garçon. C'est quoi MC officiel? Mauvais garçon, mauvais, mauvais garçon. On n'est pas des voyous, juste des mauvais garçons. RLF, mauvais garçon, mauvais, mauvais garçon. On se laissera pas manquer de respect, nous mettons la pression. Bang, je suis là en direct, MAO2S. Six is back. Les kings du parking, on est là, on lâche rien. Aya, choupeta. Les espèces, ma petite gueule. C'est ça qui se passe sur Skyrock. Woo! DJ Shine en platine, exclusivité. DJ Shine. Tu sais déjà. Dédicace à tous les DJ qui jouent le jeu, Bab Jordan, DJ Leska, Aymoun, Alain Jackson et tous les frérots. Bang! Pour le sud de Panama, Mouch! Balance le pitch, le canne. Je ne suis pas tes rappeurs banal qui pensent qu'à brasser en faisant des bananes. Ils veulent que je les fasse danser, tu sais déjà que je vais les ambiancer. La concurrence ne va pas me toucher, je vais la cartoucher avec un grand C. Casse aussi à pas de revêt, casse plein comme ton revêt. Jaloux non 80, coup de ceinture vrai élevé. Bleu ta réservé, que des boules énervées. J'me... Tu me croyais dès tu refais. Je fais la guerre ou bien la teuf. Tout le monde, c'est déjà. Tu sais déjà. Tu sais déjà. Raconte pas, tu sais déjà. Tu sais déjà. Ouais, je meurs. Tu sais déjà. Raconte pas, tu sais déjà. Zanchicanos. Plus jamais chanter Neka Waribana. Samsos Vitri. Plus jamais chanter Neka Waribana. Jamais, jamais, jamais. Plus jamais chanter Neka Waribana. Si, si, la dit Waritaku. Plus de Wari pour les gars, c'est la famille. C'est celle de la mama. Jusque Mani. Mon son, sinon va au bois. Joue la choix, mets ta la bague au doigt. Que tu fumes, que tu sniffes, que tu bois. J'en ai rien à foutre, c'est pas moi qui fais la loi. Chacun sa vie, chacun son trou. Que tous mes potos dans leur cellule tiennent le coup. Que tous mes potos dans leur cellule tiennent le coup. Que tous mes potos dans leur cellule tiennent le coup. Full feu, j'rappe comme personne. Entends les sirènes du réseau. Si les comptes te questionnent, les balances sont l'école. Fuck ma gentillesse. Elle n'a jamais payé. J'vais leur mettre la barre haute. Comme si je venais de le réveiller. Jamais chanté Neka Waribana. Bug 26. Plus jamais chanté Neka Waribana. Aubameyang. Plus jamais chanté Neka Waribana. Plus de Wari pour les gosses et la famille. Effacer ses dettes et celles de la mama. Noa Diko. Noa Diallo. C'est ça qui se passe. Wesh Balado. Francisco. Jusqu'à Miami, on nous écoute, la famille. Tu sais déjà. Yeah. La nocturne 100% rap français. Six, merci vraiment beaucoup. C'est ça qui se passe. Ce morceau dingue, on le retrouve où celui-ci? Sur le projet Avertissement. Avertissement dans une semaine dans les bacs. Ça sort vendredi. Et en téléchargement, on peut y aller, on peut ouais, cliquer. Il est déjà partout en précommande sur toutes les plateformes. Donc

game. Le plus. Ah ouais, bah ouais. Trop de 06, j'ai cassé ma puce. Ah ouais, bah ouais. C'est le game qui t'engraine dans la mythomanie. T'entretiens pas ta femme, tu veux polygamie. Lève le champagne, lève ton verre pour osmer. J'entrombre et lumière, t'es un détenu osmer. Dès que je mets les pieds dehors, je suis dans le game. Soit tu restes au point mort, ou bienvenue dans le game. Pour être soi, il est prêt à mourir. Nouveau Sandrov dans le game, dans la nocturne. Jaja Dinaz, maintenant à écouter. PNL et Jarod pour conclure. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ça aussi, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Album de Jaja et Dinaz. J'y pense. Mais tranquille, de toute façon. On n'a pas oublié. Et celui qui passe son temps à rêver n'atteindra jamais ses rêves, gros. Je m'en rappelle avec l'équipe, quand on n'avait rien, on s'y s'est mais tranquille, façon hiver en plein. Le bonheur je demande que ça, marre de charger le que ça. Des journées dans le teupa, la pomponne sous les pesas. Des millions de vues sur mon clip, les jaloux deviennent fous. Pas de soucis, une photo, wesh la mix ça vient d'où. On sent pas l'aigle, vas-y charge la mallette. Leur flow est pas net, c'est pour ça qu'ils disent qu'on est pas net. Ouais j'y pense à demain, je me suis perdu sur ma route. Je vais retrouver mon chemin, fumer ceux qui veulent crever ma route. Tu me connais, c'est aujourd'hui que tu viens me coller. Je reste honnête moi, déterminé depuis le collège. Je te raconte ta sushi 2, je te parle de ma vie 2. Mec de cité qui n'a pas peur de la vitesse. Pour rien je démarre vite, sauf comme une marmite, le Dieu nous guide. En vrai, si je pouvais, je vous aurais fumé. Mais tranquille, y'a air, je me calme avec la fumée. Oh, j'ai grandi dans une Tessie, ma gueule c'est hoche. Même le plus petit veut se remplir les poches. Déterminé sur la tête de ma remède. Jaja Gina, sa promesse, sale rage sur ta tête, je veux te promettre. J'ai choisi la rue, c'était pas le bon choix. Y'a de la peine et de la joie. J'essaie de garder la foi. J'souris même quand ça va pas. Ouais, j'souris même quand ça va pas. J'essaie de garder la foi. J'souris même quand ça va pas. J'suis là pour mes gars. Depuis le début, j'reste vrai. Sur nous, ils font des débats. Demande ce qui s'est mec. Toi tu veux vraiment savoir. Bah regarde bien nos têtes. On n'est pas là pour la gloire. On est là pour la recette. Les fils de pute je les vois. Quand tu veux blâmer. Si aujourd'hui t'es là, seras-tu présent si demain sa mère. On a rien forcé. La vie c'est comme mon verre elle est corsée. Je me faisais courser. La nuit j'étais pas dans les bras forfaits. Ils sont faux, bah ouais. Sur ma mère, ouais. C'est que des mots, ouais. Des paroles en l'air. Il faut 2-3 millions sur le matelas. On fait quoi, on se casse de là. Tu crois qu'on va rester là. Je m'éloigne de ces frères qui sont restés lâches. Il faut 2-3 millions sous le matelas. On fait quoi, on se casse de là. Tu crois qu'on va rester là. Je m'éloigne de ces frères qui sont restés lâches. J'ai grandi dans une Tessie, ma gueule c'est hoche. Même le plus petit veut se remplir les poches. Déterminé sur la tête de ma remède. Jaja Gina sa promesse, sale rage sur ta tête, j'peux te mon revêt. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. Sur les faux, j'ai tiré un trait. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. Sur les faux, j'ai tiré un trait. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. Sur les faux, j'ai tiré un trait. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Thank you.

avec les yeux, avec le cœur si possible. Je crois en moi, non, je crois en Dieu, donc je crois en l'humain aussi. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Je suis un mélomane dans l'âme, je mets dans la baguette ma patte. Si un pote à mal m'appelle, j'ai des boules avec la patte. J'ai du mal à faire confiance, m'en veux pas pour la distance. Oui, j'ai connu la tristesse, beaucoup n'en connaissent pas le sens. Pire que la veille, je suis mauvais, je suis le meilleur. Je vois un tambourin pour un battement de cœur. Tu me comprends pas, c'est normal, je suis un homme, je veux pas mourir en chantant, je veux mourir en pleurs. Je suis arrivé mal man, j'ai volé le beurre, j'ai aimé la monnaie plus qu'elle, j'ai brisé le cœur. Tu connais les bails, on voulait pas une femme à nous, on voulait tout, on violait pour un nom, on béton dans le secteur. Maman, je suis bloqué sur la terre. Ils m'ont fait mal, ils m'ont fait peur, ils m'ont fait taire. Pourquoi tu m'arrêtes pas quand j'espère? Dis-le-moi, dis-moi pourquoi tu m'as pas parlé de cette guerre. J'ai mal de te voir en pleurs, maman, je suis désolé, désolé. Ils ont pris une part de mon cœur, je te demande de me pardonner, pardonner. T'étais là quand j'avais peur, je te jure, je suis désolé, désolé. Désolé, désolé. Je suis désolé, j'ai mal. N'y a qu'un sur mon âme. J'suis mort mais j'te parle. J'aime mes romans. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. Sache que le monde est beau et que l'homme est mauvais. C'est fini pour la nocturne. 100% rap français, Fabuleux est là pour le contrôle. Yep. Yeah, yeah. 100% rap français la semaine prochaine reviendra. Et dès lundi dans Planète Rap, c'est Niska qui débarque avec son projet à pas louper. On va d'ailleurs finir nocturne et enchaîner avec Rap R&B en non-stop. Mustapha Jefferson maintenant, Niska dans la nocturne. Merci d'avoir veillé tard, merci à Six une fois de plus. On tire le store, on y va. Un gros bisou à la reine, elle se reconnaîtra. Je crois que je la connais. Ciao. Rap and R&B. Rap and R&B non-stop.